sur 21 avec Sven Vat. Sur 21, vous écoutez Sven Vat en direct du Fuse. Voici de la techno.

techno sur 21 avec Sven Vatt. We'll be right back. C'était Sven Vatt en direct du Fuse sur 21. Il est quasiment 3h du matin. Donc bonne nuit et à la semaine prochaine pour encore plus de techno.